Les délégués de 6 organisations civiles et sociales sud-coréennes contre la disparition de Saad ont tenu le 8 août une réunion d'urgence pour ainsi décider de protester aux autorités et de faire arrêter le sondage d'ondes électromagnétiques et du vacarme de Saad. Le comité de lutte de Songju pour le retrait de Saad, le comité de mesure des citadins de Kimcheon contre la disparition de Saad et autres organisations ont organisé le 10 une conférence de presse afin d'exiger du gouvernement d'arrêter immédiatement l'enquête sur l'impact environnemental en faveur de la disparition du monstre de guerre américain. Ce jour-là, face à leur lutte de protestation, les autorités sud-coréennes ont dû abandonner leur projet de mesurer ouvertement les ondes électromagnétiques et le vacarme de Saad.